Je suis Raïderski, je n'appelle pas à la guerre, je l'ordonne. Ce n'est pas un choix, c'est un devoir, ce n'est pas une vengeance, c'est la suite. Le chic, le sable a trop entendu, il veut maintenant parler, et il parlera. Avec nos pieds, avec nos poings, avec nos voix. Frémin perdu dans les vents, Frémin silencieux, levez-vous. Votre nom est poussière, votre foi est pierre, votre voix est lame et votre souffle est feu. Je suis Raïderski, je vous regarde et je vous vois prêt. Assez de silence, assez de patience, assez de prudence. La foi doit frapper, le champ doit mordre, la dune doit s'élever. Un nom, un feu, une marche, une guerre. Les boucliers tomberont, les murs plieront, les systèmes craqueront, parce que notre champ ne cède pas. Vous voulez une guerre, vous l'aurez, mais ce sera la nôtre. Pas une bataille politique, pas une escarmouche économique, une guerre sacrée. Je ne suis pas une figure, je suis un écho. Celui qui reste quand les eaux tombent, celui qui se relève quand le sable recouvre tout. Raïderski ne parle pas pour être entendu, il parle pour être suivi. Et s'il vous reste un souffle, vous le joindrez à celui du désert. Nous marchons, nous chantons, nous frappons, nous sommes Raïderski. Je ne veux pas d'armes polies, je veux des mains colleuses, je veux des poitrines ouvertes, je veux des pieds fermes. Ce n'est pas un chant, c'est une frappe lente, un battement d'orage, une vague invisible. Vous m'avez entendu. Maintenant, chantez! Raïderski! Nous sommes les vers sous la peau, les cris dans les tempêtes, les pas qui font trembler le sol et les voix qu'on ne coupe pas. Si tu te lèves, tu n'es plus un homme, tu es une voix, tu es une arme, tu es une preuve que nous sommes là. Et maintenant, marche, chante, frappe, et que ce chant soit plus fort que la peur. Raïderski l'appelle, nous répondons. Raïderski frappe, nous tombons. Ensemble.